ce soir. No more bolero. No more bolero. Et on reste avec l'accordéon, et cette fois-ci, c'est Christophe Pesset. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour à toutes et à tous, merci Hubert. Cette semaine, je vous propose eh bien, d'écouter un album qui s'appelle Le plus grand bal du samedi soir. C'est Aurélien Schneider. Aurélien Schneider, eh bien, double étoile d'or au Zénith de Paris. On va dire c'est le petit protégé de René Grelier. Et on va tout de suite l'écouter dans un passe-d'oeuvre qui s'appelle El Groliero. On y va, Aurélien Schneider. Thank you. Eh bien, il joue très bien, c'est Aurélien Schneider. On va tout de suite, eh bien, continuer dans la même voie. Un CD qui est sorti, bien sûr, chez CDMC. Si vous avez envie de vous le procurer, eh bien, n'hésitez pas. Il y a 16 titres, dont un morceau, eh bien, que Hubert, tu pourrais chanter en début ou en fin de bal, qui s'appelle « Merci de votre présence ». On va tout de suite passer, eh bien, dans la région de Aurélien Schneider, qui est la Champagne. Et ce morceau, justement, s'appelle « Champagne Musette », une composition de Éric Bouvel et René Grelier. « Champagne Musette ». Maintenant, sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. Ah, j'ai décidé de vous faire valser un petit peu avec cette chanson que j'ai plaisir d'interpréter. Mon amant de Saint-Jean ne présente plus cet incontournable de la valse et de la chanson française. Version Hubert Ledent et Bernard Marly pour l'accordéon, évidemment. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand un gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chipée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Pour parleur, chaque fois il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sorgia FM, Sorgia, Sorgia FM. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Nous, on a des professionnels dans cette émission, on a des spécialistes. Et la spécialiste de la chanson française, elle est arrivée dans le studio, et elle s'appelle Arlette. Hello, bonjour à tous. Bonjour Hubert. Bonjour Arlette. Alors, il y a des chanteurs qu'on oublie un petit peu, il faut bien le dire, ou alors qu'on n'entend plus assez pour arriver à se remémorer pourtant des chansons plutôt connues et plutôt agréables à écouter. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas de ce chanteur un peu oublié. Bien sûr Hubert. Et c'est un grand monsieur que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Très grand monsieur. Un peu trop oublié à mon goût. Beaucoup trop. Il s'agit de René-Louis Laforgue. Exactement. Qui est auteur, compositeur et chanteur français, bien que né en Espagne en 1928. Il fut également comédien au cinéma, au théâtre et à la télévision. Après avoir exercé plusieurs métiers, apprenti boucher, menuisier, machiniste, il devient comédien puis chanteur-compositeur. Après les premières parties des spectacles de Georges Brassens, il passe à l'Olympia en 1949. Il fait une tournée européenne avec le Mime Marceau. Il écrit et enregistre en 1953 « Le pavé de ma rue »,

Sorgia FM. Sorgia. Rock and roll. La Fiesta del Mosquito avec Michael Richard. Thank you.

à tous les gars qu'on les regarde tristes. Dans tes baisers, Julie Larousse, on peut t'embrasser le monde entier. Allez, on a encore un peu de temps, on s'en offre encore une, à petits pas, et cette fois, c'est une java. Un petit pas, viens donc faire un faux pas, faut pas dire non, non, de non, t'exagères. Un petit pas, viens chez moi, tu verras, n'écoute pas les conseils de ta mère. Ne tourne pas les talons, je suis comme Christophe Colomb, j'adore les découvertes. Tu sembles une île déserte, tout tendrement offert à ton premier vagabond. Un petit pas, viens donc faire un faux pas, faut pas dire non, non de non, t'exagères. Un petit pas, viens chez moi, tu verras, n'écoute pas les conseils de ta mère. Ne fais donc pas de façon, l'amour c'est mon rayon, ne sonne pas l'alerte. Ce que je prendrai du reste n'est pas une perte, croisant la chanson. Un petit pas, viens donc faire un faux pas, faut pas dire non, non de non, t'exagères. Un petit pas, viens chez moi, tu verras, car si je mens, je ferai comme ton père. À petits pas, viens donc jusque chez moi. Oh non, mais vous êtes fous. Un petit pas, viens donc faire un faux pas. Oh, oh non, mais pour qui vous prenez-vous? Ben quoi? Je suis tout de même le Brumel de la banlieue sud. Oui ou non? Aïe! Non? Bon. Un petit pas, je n'aurai pas mon faux pas. Destin tragique. En juin 1967, René-Louis Laforgue a un grave accident de voiture. Il tire sa révérence après nous avoir laissé tout un arsenal de valses, de java, de passo, de quoi alimenter bon nombre de balmusettes aujourd'hui. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir Hubert. Au revoir Arlette, tu reviens la semaine prochaine? Bien sûr que ce sera avec plaisir. Ah, bonne nouvelle. Bye bye. Bye bye Arlette, merci beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Maintenant, eh bien, je dirais que l'accordéon c'est champion et en plus ça tombe bien, c'est le morceau qu'on va entendre, interprété toujours par Aurélien Schneider.

m'a jamais quitté. Il est ce que je suis et tout ce que je fais. Même moi, je sais qu'il se souvient de moi. Peu importe où je vais, il m'y attend déjà. Pompéi, c'est l'amour. Pompéi, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi. J'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Sous ses doigts, même temps que toi. Oh oui, en même temps que toi. Ouh. Yeah. Sorgia FM. Sorgia. Ah, j'ai décidé de vous faire découvrir un nouveau monde. Et juste après, on dansera la bachata avec l'orchestre Évidence. S'en aller sur la lune, simplement sans fortune, bâtir un nouveau monde, changer les longueurs d'onde et de cet univers. J'observerai la terre, là je te montrerai à quoi tu ressemblais. Je veux vivre autrement, où tu me suis, où tu me mens. Partir des terres nouvelles, s'enfuir, traverser le néant, tenir en nos mains l'essentiel, s'unir en oubliant. Et si la vie là-bas n'était pas si loin de toi, si ce monde meilleur était là dans ton cœur. On peut vivre autrement, où tu me suis, où tu te mens. Terre nouvelle, s'enfuir, traverser le néant, tenir en nos mains l'essentiel, s'unir en oubliant. S'en aller sur la lune, sans argent, sans fortune, bâtir un nouveau monde, changer les longueurs d'onde. Et si la vie là-bas n'était pas si loin de toi, s'enfuir, si ce monde meilleur te dit était là dans ton cœur. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Le Don. danser maintenant. Sur Sergia FM, Hubert Ludan. Il est malheureusement temps de se dire au revoir. On se retrouve bien sûr même heure, même station, même endroit. Donc, la semaine prochaine, on termine en tcha-tcha. Au revoir à toutes et à tous. Passez une très bonne semaine. Je vous embrasse. Au revoir. Dis-moi si t'as le blues et le moral à zéro. Et si tu déprimes quand tu vois la météo. Est-ce que tu t'ennuies pendant les heures de boulot? J'ai ce qu'il te faut. Si le matin tu te lèves comme un robot et que dans la cage tu te sens comme un oiseau. Si pour toi la vie c'est comme un rodéo, j'ai ce qu'il te faut. Viens sur mon bateau, viens te faire bronzer recto verso. Sur mon bateau, changer d'air et vivre en stéréo. Sur mon bateau, oublier le temps sur un calypso. Sur mon bateau, y a tout ce qu'il faut. Sorgia FM.